je crois bien qu'on voit ces manous. Quand bien ma soeur en bête, t'es pas moi, voici, après des bons mots pour la messe, et me quand des bons yeux de mon poids, mon poisson, son amour pour hier. C'est le cas, on a fait quand même à ma campagne de ma camp. Moi, yo, yo, nous disons bien, moi, pas où les deux attaquants, et nous disons des quoi, mais venir à nous dire, voyez, son amour d'hier. Come on, my yo. Yo, never come.